Dernièrement, je disais que Satan, c'était tout ce que l'être humain rejette au cours de son évolution. Étant donné que lorsque l'être humain évolue, il a tendance à rejeter de plus en plus de choses, les forces du mal évoluent, c'est-à-dire gagnent en puissance. Plus l'homme est dans une phase d'évolution où il est appelé à rejeter des choses, plus l'homme engendre et augmente et nourrit les forces sataniques. Non seulement le rejet d'une chose est une grande souffrance pour l'ego, pour l'anti-homme. L'anti-homme est constitué dans l'homme de ce qui d'ailleurs sera rejeté par la vie. Et cela engendre une force involutrice qui lutte contre l'homme et qui de toute façon pourvoira à un moment donné les forces sataniques. Les forces sataniques sont ce qui a été rejeté par l'homme au cours de son évolution. Mais qu'est-ce qui descend chez l'homme pour un jour finalement être rejeté par l'homme? Il y a une manipulation primaire, une manipulation que l'on retrouve exclusivement sur des planètes évolutrices, des planètes en phase d'évolution, sur lesquelles marchent des êtres ascendants. Les forces sataniques n'existent pas dans des planètes ou sur des planètes où il y a des êtres descendants. Elles n'existent que lorsqu'il y a des êtres ascendants, des êtres qui refusent certaines choses qu'ils ont expérimentées ou mémorisées lors de leur évolution, lors de leur effusion. Et lorsque l'être humain évolue, refusant ces conditions, il les rejette. Les rejetant, ces conditions ayant été mémorielles, donc expérimentées, restent présentes dans un contexte atomique moléculaire, dans un contexte énergétique, sur la planète où maintenant vit un être humain ou un phénomène énergétique ascendant. Tant que les humanités évoluent, aucune force ne les empêche d'évoluer, parce que l'être humain expérimente le refroidissement et il l'accepte à 100%. Lorsque l'être humain est rendu au fin fond de son refroidissement, le froid devient lentement une densité. Et lorsqu'il y a tellement d'écrasement à cause de cette densité, une légère chaleur est engendrée. Et dans cette chaleur, l'évolution naît. Dans cette évolution, les mémoires laissées par l'expérimentation d'une évolution sont rejetées par l'humain. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'humain, il rejette de plus en plus les mémoires expérientielles des choses trop denses pour être capable d'être supporté par sa conscience. Et ces choses rejetées s'agglomèrent entre elles par affinité vibratoire, et c'est ce qui engendre les forces du mal, les forces d'évolution, les forces sataniques, les forces hautement attachées et intimement reliées à l'évolution d'une planète. Les forces lucifériennes sont extraterrestres. Les forces sataniques sont planétaires. Manipulation primaire, manipulation des mémoires rejetées par l'homme qui tente à tout prix de revenir dans l'homme de façon à réintégrer leur point source. Exactement ce que l'homme veut faire lorsque l'homme essaie de grimper à travers différents paliers de divinité et de déité pour rejoindre le centre source qu'il a apparemment créé. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est d'où proviennent les choses que nous rejetons. La première provenance est l'expérience de notre évolution. Et au fur et à mesure que nous réévoluons, nous devons muer de peau et nous rejetons les vieilles peaux qui ne peuvent plus maintenant nous contenir parce que notre conscience devient trop grande. Alors, tel le serpent, tel certains insectes, nous rejetons à l'extérieur de nous des peaux trop petites pour nous contenir, des traditions trop petites pour nous contenir, des concepts trop petits pour contenir notre conscience et finalement des manières de vivre, des manières d'être trop petites pour être encore utiles à ce que nous devenons. Arracher une peau psychologique, une peau énergétique, comme une peau physique, est extrêmement pénible pour celui qui reste, comme pour la chose rejetée. Et cette chose engendre ce que nous connaissons sous la forme Satan. Mais il y a autre chose qui vient nous manipuler régulièrement. Une de ces choses est un phénomène qu'on a abordé quelque peu le mois dernier, un phénomène extraterrestre, qui, par le biais d'un canal séraphique, nous relie à des êtres staniens ou descendants, qui habitent d'autres planètes dans d'autres galaxies, dans cette création. À travers ces êtres extraterrestres qui habitent d'autres planètes dans d'autres galaxies, il y a une manipulation suceuse de nos énergies. Et lorsque, dans de très rares cas, une erreur écologique est appliquée sur l'une de ces planètes, le karma est envoyé à l'homme par ce canal séraphique. Et c'est ici, sur cette planète, qu'on devra payer pour, c'est-à-dire être responsable, même si on n'a rien fait, et supporter ce karma très, très, très diminué de l'évolution stagnante des phénomènes extraterrestres. De temps en temps, nous rejetons ce karma et nous continuons à nourrir les forces du mal ici. L'une des grosses problématiques de la manipulation n'est pas tellement les forces sataniques, n'est pas la force luciférienne, n'est pas ou presque pas les forces extraterrestres auxquelles nous sommes reliés, mais surtout les forces de l'avenir. Ce sont ces forces multiples qui ont une tendance magistrale à manipuler toute la conscience de l'homme. Et ce sont ces forces qui continuellement déchirent la conscience de l'homme et engendrent chez lui un doute extrêmement dangereux, un doute pénible et souffrant, un doute qui continuellement va empêcher l'humain de parvenir à quelque chose qui est dicté par sa conscience, un doute qui va empêcher la conscience d'être exprimée par l'humain. Un doute qui finalement engendre l'évolution de l'animal humain. L'homme n'a pas de libre arbitre. Lorsque nous disons que l'homme n'a pas de libre arbitre, nous voulons dire que l'animal humain n'a pas de libre arbitre. Lorsque nous disons que l'homme a un libre arbitre, nous voulons dire que l'homme en tant que collectivité peut avoir un libre arbitre. À l'exclusive condition qu'il arrive à se désassujettir de toutes les forces qui le manipulent. La première force manipulatrice, la force primaire, la force satanique, est la plus difficile à éliminer. La deuxième force, la force extraterrestre, la force secondaire, ce n'est pas important qu'on l'élimine ou pas. Elle n'est presque pas de... Elle n'est pas tellement manipulatrice. C'est à peine si on l'aperçoit. Nous ne sommes pas encore rendus à un niveau d'évolution où nous pouvons réellement supporter le poids karmique de l'évolution ou des erreurs écologiques de ces systèmes d'évolution. La troisième force de manipulation, la plus importante, est la plus facile à éliminer. Celle qui provient des mondes à venir. L'être humain est manipulé beaucoup plus par le futur qu'il est manipulé par le passé. L'être humain est manipulé beaucoup plus par l'avenir qu'il peut être manipulé par la tradition. Longtemps, on a parlé de la tradition. Longtemps, on a parlé de la manipulation qui provenait de la mémoire, de la mort, du passé. Longtemps, on a parlé des manipulations stagnantes, sataniques, l'évolution assujettie à Lucifer, l'évolution des forces du mal. Cela n'est pas la plus grande force de frappe des manipulateurs. Le passé a une tendance à manipuler l'homme, mais c'est l'avenir qui le manipule au maximum. Ce qui s'est passé dans le passé ne fait pas peur à l'homme. La possibilité d'un apocalypse, l'avenir, fait peur à l'homme. Le passé empêche l'homme de régir certaines conditions de sa vie évolutive. Mais l'avenir est le tampon majeur qui empêche totalement l'homme d'être. Le passé garde sa puissance. Le passé garde son danger. Il est temps maintenant que l'on observe un autre phénomène de la manipulation, et c'est l'avenir. Cet avenir. Qui apparemment a déjà décidé ce que nous serons. Eh bien, cet avenir nous manipule drôlement plus puissamment que le passé, qui a déterminé ce que nous sommes. À travers l'évolution, nous gardons notre conscience. Gardant notre conscience, nous pouvons accepter effectivement que le passé est le passé. Et nous ne pouvons travailler qu'en fonction de la direction spatio-temporelle où nous allons, l'avenir. Et dans cet avenir, il y a des encarcaniseurs, des carcans sociaux, des carcans de conscience qui sont établis pour nous recevoir. Ils sont bâtis à l'image de notre tête et ils nous attendent. Lorsque nous allons placer la tête dans ce carcan, nous ne pourrons pas nous en sortir. Nous serons obligés alors d'accepter un futur qui ne nous convient pas, qui n'est pas pour notre confiance, mais qui plaît énormément à lui, ce futur. J'ai déjà dit que l'homme pouvait changer le passé comme il pouvait changer l'avenir, que l'homme pouvait inventer le passé comme il pouvait inventer l'avenir. Plusieurs expériences archéologiques tentent à prouver dans la conscience de l'homme que le passé est une condition existentielle réelle. Alors, à un moment donné, on fait des fouilles en Grèce, on fait des fouilles sur certains territoires, et on ne trouve rien. On construit des routes et des chemins, et la vie va vers l'avenir. Et à un moment donné, un bonhomme qui se promène avec un livre est à la recherche d'une ville. Cette ville s'appelle Troie. Il est convaincu que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère sont des histoires réelles, colorées, mais réelles. Que l'Atlantide a existé, que les géants cyclopes, la race atlantéenne la plus grande, la rouge, a existé, et que nécessairement Troie, là où s'est battu Ulysse, a existé. Il va dans des secteurs que l'on connaît, et il y cherche, et il découvre la ville de Troie. Il en découvra même 13, l'une construite par-dessus l'autre. Et cela veut dire, Homère avait raison. Et à un moment donné, une personne qui marche dans une ville en construction, là où on bâtit certaines maisons, découvre à travers les roches une dent. Et cette dent, elle l'amène à son mari qui est dentiste et géologue, reconnaît que la dent, elle ressemble aux dents d'iguane, et que cette dent ne peut pas appartenir à aucun animal existant sur cette planète. Il en déduit qu'elle appartient à un animal qui a existé, et qui devait être tellement grand pour que cette dent lui appartienne. Et il nomme l'animal Iguanodon, ancêtre de l'iguane. La paléontologie venait d'exister. Et par la suite, dans les mêmes constructions, on découvre des ossements. Et on arrive à reconstituer pour la première fois un squelette. On fera la même chose aux États-Unis, où on découvrira les squelettes du trachodon. Et le passé semble se vérifier. Et combien de fois l'archéologue à la recherche d'une lubie la trouve là, où bien d'autres avaient cherché mais ne l'avaient pas trouvée. Parce qu'il se trouve qu'avant que la femme trouve la dent n'existait pas et l'iguanodon non plus. Il se trouve qu'avant que Schliemann découvre la ville de Troie n'existait pas. Et c'est pourquoi ceux qui avaient fouillé avant lui ne l'avaient pas trouvée. Et il se trouve que la majorité de notre passé est un passé inventé pour plaire à l'homme, un passé qui semble satisfaire son désir de cognition expérientielle, et la majorité des choses qui semblent expliquer le passé ont été créées dans le présent. Les dinosaures ont disparu à un moment donné, et on ne sait pas pourquoi, n'ayant jamais existé. Ils n'ont pas besoin d'avoir disparu. On retrouve des fossiles, soit le fossile n'est pas vivant. Il y a énormément de choses du passé qui font partie de notre histoire et qui ne sont que des manipulations pour enligner l'homme vers un avenir. Et c'est l'avenir qui manipule l'homme, c'est l'avenir qui nous attend. Les forces du futur manipulent toutes les forces du passé. Et jusqu'à date, nous avons été confinés à la tradition, aux forces du passé. Toute tradition est supportée par une prophétie, une tendance, une extrapolation vers l'avenir. Étant donné que l'être humain est un être expérientiel, bâti avec une âme mémorielle qui ne se fie qu'à son passé, il était inévitable que les forces de l'avenir engendrent une tradition du passé autour duquel on s'accrocherait à un point tel qu'on accepterait sans réfléchir l'extrapolation qu'elle tient pour nous en nous dirigeant inconsciemment vers l'avenir qui a bâti cette illusion du passé pour que nous y croyions. Nous ne pouvons pas croire en l'avenir, nous pouvons croire au passé. Si le passé nous pousse vers un avenir, nous irons vers cet avenir auquel nous ne croyons pas. Alors l'homme répond. Pendant des centaines d'années, on a essayé telle solution et ça n'a pas marché. Alors pourquoi dis-tu qu'aujourd'hui ça peut marcher? Ce passé dans lequel vous dites avoir essayé des centaines de fois la solution, je n'y crois pas. Et parce qu'un avenir particulier où cette solution est bannie nous attire, cet avenir particulier a créé pour vous un passé où cette solution a été manquée suffisamment de fois pour que, croyant au passé, vous puissiez croire que la solution n'est pas bonne. Ne l'appliquant pas dans votre présent, vous vous dirigez directement vers cet avenir qui vous a tendu le piège du passé et qui vous attend à la gueule grande ouverte. Ce que je dis s'adresse à l'être humain. L'animal humain ne peut pas servir ce que je dis. Je dis que le libre-arbitre n'existe pas. Tant que l'homme n'a pas la faculté de comprendre d'où provient exactement sa contrainte manipulatrice. Je dis que le libre-arbitre n'existe pas pour l'individu. Je dis que le libre-arbitre existe pour une société. Et je dis que le libre-arbitre est une condition existentielle si on a la faculté de déterminer notre avenir. Il y a des futurs possibles. Il y a des milliards de futurs possibles. Et pour les 10 prochaines années, il y a 2 futurs majeurs possibles. Quelle que soit la décision de l'humanité, ces 2 futurs majeurs ont des branches qui les relient. Et l'humanité, après son premier choix, devra en prendre un deuxième qui devra l'amener là où un futur possible nous plaît et non pas là où le futur possible ne nous plaît pas. Mais ces futurs possibles sont possibles parce que présentement, tous les êtres humains et tous autant que vous êtes, vous vivez déjà dans l'avenir et vous vivez déjà dans tous ces futurs possibles. Et parce que vous vivez déjà dans tous ces futurs possibles, vous avez une petite mémoire de l'avenir, de ces futurs possibles où vous vous retrouvez. Et cela engendre dans la conscientisation une pluralisation de l'ego de celui qui se conscientise, en plus de la pluralisation du phénomène réincarnationnel que l'on parvient à fusionner. Une pluralisation qui va être sentie comme un doute. Où de temps en temps, vous allez être attiré vers un futur possible. Et un autre moment donné, vers un autre futur possible. Et un autre moment donné, vers un autre, et un autre, et un autre. Et c'est ce qui engendre le doute. On ne sait pas où on veut aller et on ne sait finalement pas où on va. Ne sachant pas où on veut aller et où on va, on ne peut pas savoir qui on est. Parce que dans l'un des futurs possibles, il y a vous en tant que guerrier. Dans un autre futur possible, il y a vous en tant que pacificateur. Et dans un autre futur possible, il y a vous en tant que personne nerveuse. Dans une société où la technologie est détruite, démolie, où il y a des hommes et des femmes qui vivent comme à l'époque de l'âge de pierre. Et dans un autre futur possible, il y a autre chose. Et à travers tous ces futurs possibles, il y a vous. Et dans chacun de ces futurs possibles, vous êtes vivant. Et il y a une chose, vous voulez rester vivant. Mais si aujourd'hui, ou si dans 10 ans, vous décidez de devenir guerrier, de devenir soldat, d'être capable de tuer, de devenir violent, eh bien, vous tuez toutes les mêmes représentations de vous-même qui vivez présentement dans les autres futurs possibles. Lorsque vous décidez d'être un tueur dans l'avenir, lorsque lentement vous vous laissez manipuler par ce carcan de l'avenir qui vous succionne vers lui, la journée, vous allez prendre le détour dans cette fourche pour vous diriger pour être un tueur dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans. toutes les vous-mêmes qui vivez dans les sociétés de paix disparaissent et meurent. Toutes les vous-mêmes qui vivez dans la société préhistorique disparaissez et mourrez. Et il ne reste de vivants, dans l'avenir possible, que tous ceux de vous qui vivez sur les fourches qui sont encore connectés à la fourche majeure dans laquelle vous êtes enlignés. Alors, étant donné que la partie guerrier veut vivre, si vous décidez de devenir des pacificateurs, elle meurt. Et c'est pourquoi l'avenir manipule tant l'homme. Parce que la partie de vous qui vivez en tant que guerrier ne veut pas mourir, alors elle vous attire vers ce chemin. La partie de vous qui voulez vivre dans une société de paix ne veut pas mourir, elle vous attire vers ce chemin. Et entre ces deux tractions majeures de l'avenir, il y a votre conscience qui ne peut faire autrement que de vivre le doute. Elle ne sait pas. Êtes-vous guerrier? Êtes-vous pacificateur? Êtes-vous humain? Êtes-vous conscientisé? Êtes-vous capable de voyager dans d'autres galaxies? Êtes-vous confiné dans une caverne sur la planète? On ne sait pas qui on est parce qu'on est en traction. On est attiré vers différents avenirs et ces différents avenirs où nous habitons déjà. Eh bien, dans ces avenirs, nous ne voulons pas. Et parce que dans ces avenirs déjà compris, nous ne voulons pas mourir, nous essayons de faire en sorte que le corps physique, celui qui pourra rendre tangible l'avenir dans lequel nous vivons déjà sans corps, celui qui pourra confirmer le passage de la conscience par ce futur possible, eh bien ce corps physique, il est habité par une âme, il est habité par un peu de conscience, il est hautement assujetti à être en traction vers des futurs possibles, parce que là où vous vivez déjà, vous le vivez sans corps physique. Vous le vivez avec une forme corporelle, mais il manque le corps. Dans ces mondes, vous souffrez, théoriquement. Vous ne sentez pas la souffrance. Dans ces mondes, vous vivez en paix, théoriquement, mais vous ne sentez pas la paix. Il manque le corps physique. Et ce corps physique, c'est le seul phénomène qui a la faculté de se déplacer dans la matière en conservant la conscience qu'il a. Vous n'êtes plus l'enfant de 2 ans, mais vous avez encore la conscience de cet enfant. Vous avez la mémoire expérientielle de cet enfant. Le corps physique traverse. Et les attracteurs des futurs possibles dirigent ces corps. Et dirigeant ces corps, votre corps semble toujours être prêt à éclater dans différents azimuts, dans différents futurs possibles, où on ne sait jamais si on embarque ou si on n'embarque pas. Il est inévitable que lorsque l'on fait un choix, on perd tous les autres choix. Lorsque l'on ne fait pas de choix, lorsque l'on fait un choix et on revient, et on revient, on remet en question, et on ne sait plus, et on rembarque, et on débarque, et on recommence, et on revient. On laisse à l'humanité le soin de choisir pour nous. Et lorsque l'on laisse à l'humanité le soin de choisir pour nous, on laisse à l'animal humain la possibilité de choisir pour l'être humain. On laisse à ceux qui ne comprennent pas le soin de choisir. On tire à pile ou face en sachant que les deux côtés sont pile. Lorsque l'on attend de voir avant de prendre un choix, on est karmiquement, collectivement karmiquement relié à la décision de l'humanité. On a 10 ans encore avant d'arriver au nœud. Et rendu au nœud, il y aura des guerres. Rendu au nœud, il y aura des schistes. Rendu au nœud, il y aura des malheurs et des souffrances. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est là que la décision doit se prendre, toutes les futures possibles vont s'engendrer, vont s'orchestrer pour manipuler l'humain, le déchirer entre lui. Alors nécessairement, les familles éclateront, les sociétés éclateront, l'humain se battra et se déchirera, parce que l'humain voudra diriger l'humanité vers l'un des futurs possibles, celui qui sera le plus attractif sera le futur qui déterminera l'avenir de l'humanité et nécessairement qui déterminera ce que vous êtes. Si vous préférez ce que vous serez, mais c'est la même chose, vous l'êtes déjà. Étant donné que de ces futurs possibles, à chaque fois qu'un grand nœud majeur apparaît, des entités, des mondes les plus évolués de ces futurs possibles ont la faculté de régresser 2000 ans dans le temps pour venir naître dans un corps physique, prendre un corps de chair et commencer à instruire certains humains et commencer à instruire l'astral de façon à brouiller les cartes des attracteurs des futurs possibles qui ne sont pas importants. Moi, je viens d'un monde, des mondes qui existent et ce monde risque de ne plus exister si l'humanité fait fausse route. Et nécessairement, l'un des grands travaux que j'ai à faire est d'orchestrer une déviation de l'évolution de l'humanité pour que celle-ci se dirige vers le futur possible dans lequel je vis. ce futur possible dans lequel je vis, vous vivez tous dedans. Mais le problème, c'est que vous vivez aussi ailleurs, et je ne vis pas ailleurs. Lorsque l'avenir tend ses tentacules pour aller chercher les corps physiques de l'homme, toutes les futures majeures possibles viennent vous chercher neuroniquement et endocrinalement et vous manipulent. Étant des êtres expérientiels, l'avenir vient tendre derrière vous votre passé. Et tendant derrière vous votre passé, elle vous fait croire que votre chemin se dirige dans une telle direction. Imaginez que vous êtes un point fixe quelque part. Vous n'avez aucune idée de où vous allez. Étant donné qu'un embryon de l'avenir vient tracer un passé chez vous, cela crée une droite. Et là, vous croyez que c'est par là que vous dirigez parce que votre passé vient de par là-bas. Ça, le piège du passé engendré par l'avenir. Étant donné que l'être humain se fie sur son passé pour continuer à savoir la direction qu'il a pris, si on invente n'importe quel passé dans votre conscience, vous irez nécessairement droit à l'opposé, c'est-à-dire vous continuerez à avancer sur la même droite. Même si ce n'est pas ce que votre conscience veut. Il y a des mondes, et le monde d'où je viens est un monde où la conscience est pleinement exprimée. Où l'être humain est libre. Où l'être humain est intelligent et écologique. Où l'être humain n'a aucune contrainte de la matière. Où l'être humain n'a pas besoin d'acheter des choses. Où tout ce que l'humain a besoin est. Et parce que tout est, l'humain est convenablement prêt à le vivre. Cela se passe dans 2000 ans d'ici, en l'an 4000. Le problème, c'est que l'être humain est investi d'un phénomène de l'avenir qui marche d'une façon extrêmement dangereuse, d'une façon extrêmement hypocrite. Elle ne présente pas l'avenir à l'homme, elle lui présente le passé. Lui présentant le passé, l'homme croit savoir d'où il vient. Sachant d'où il vient, il extrapole où il va. Et même si sa conscience ne veut pas y aller, lentement le vit. Celui qui se conscientise devient plus sensible. Étant plus sensible, il est plus facilement en attraction avec les différents avenirs possibles. Alors qu'il éclate et se déchire. Alors qu'il souffre, il ne sait plus. Chaque décision qu'il prend est toujours remise en question. Parce qu'il n'a pas pris de décision. Parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a pas engendré une décision qui peut le couper des autres. C'est une décision dangereuse. La journée qu'un d'entre vous décide de se diriger vers un avenir possible où il y a la paix, lorsqu'il fait un serment, lorsque tout ce qu'il fait maintenant ne doit le diriger que vers la paix, immédiatement il cesse de douter. Il cesse de douter parce qu'il vient de couper les futurs possibles qui l'amenaient ailleurs. N'étant plus manipulé par ses futurs possibles, il cesse de douter. Il y a une chose. S'il manque son coup, n'existant plus dans les autres futurs possibles, il n'existe plus dans l'univers. Alors, parce que l'ego veut préfère exister, même dans un camp de concentration, à être torturé plutôt que de ne pas exister dans un monde stupide, il continue à hésiter, et plus souvent qu'autrement, pour ne pas éliminer des futurs possibles de devant lui, il laisse le choix de l'avenir à l'humanité la plus importante. L'être humain qui préfère aller là où il doit aller ou ne pas être, est celui qui les êtres humains ont décidé de ne plus être ou d'être là où la conscience veut les amener. Pas l'avenir, la conscience. L'humanité change deux fois plus Il y a des choses qui peuvent se faire si l'humain décide. Ils se feront dans 200 ans. Et parce que l'humain vient de se décider, le 200 ans est faux, c'est maintenant dans 100 ans. Et parce que l'humain dit, ben dans 100 ans, c'est pas grave, on sera peut-être mort, mais ce qui aura dû être fait aura été fait. Et immédiatement, c'est plus dans 100 ans, c'est dans 50 ans que ça va être. Et parce que l'humain décide que de toute façon, il le fait, c'est possiblement dans 25 ans que ça va être. Étant donné que l'humain ne sait jamais, le 200 ans est plus exact. Il est temps que l'humain cesse de travailler en imbécile. Chaque être humain qui se conscientise, et c'est la majorité de l'hémisphère nord de cette planète, chaque être humain qui se conscientise ne veut pas travailler sur un projet planétaire qui s'échelonne sur des centaines d'années. Il ne veut travailler que sur un projet individuel qui s'échelonne sur quelques années, au maximum. Alors, il ne peut pas rien commencer. Alors, il ne peut pas être grand parce qu'il est petit. Alors, il ne peut pas rien faire parce qu'il ne travaille pas en vue d'un système écolo-planétaire, mais en vue d'un système égoïsme individuel. Si dans cette vie, vous n'avez pas de fusion avec votre double éthérique, vous allez mourir. Gagner le monde de la mort, vous réincarner fusionnellement avec des entités mémorielles qui vous ressemblent, dans des corps physiques qui vont vous attirer. Si les corps physiques qui vont vous attirer sont disponibles. S'ils ne sont pas disponibles, vous allez vous réincarner dans des corps physiques qui ont le plus de... qui sont les plus près des corps disponibles, qui manquent. Préparer les 500 prochaines années, c'est s'assurer de se réincarner là où nous voulons nous réincarner. C'est s'assurer d'engendrer un avenir possible dans lequel nous voulons nous retrouver. Cela veut dire bâtir un monde qui a des chances de survie dans les 500 ou les 1000 prochaines années, que nous y soyons ou non. Ça n'a pas d'importance, c'est illogique, ce n'est pas intelligent de continuellement vouloir engendrer un système planétaire qui peut s'éteindre quand on ne sera plus là. C'est stupide. L'homme n'est plus le bâtisseur qu'il a été. L'homme n'est plus le constructeur qu'il a été. L'homme est un destructeur. Pourquoi? Parce que l'homme veut continuellement limiter tout ce qu'il fait à sa propre vie. Mais lorsque ses enfants auront des enfants, et lorsque ces enfants-là créeront les corps dans lesquels vous allez vous réincarner, si la société que vous avez laissée est une société pourrie, vous naîtrez dans un monde pourri. Tel sera votre karma des vies antérieures. Si l'humain est capable d'engendrer une instruction qui, sur cette planète, s'étire sur 500 à 1000 ans, engendrer une structure qu'il écrit dans des livres, et qu'il publie le remaniement planétaire pour les 1000 prochaines années, et que différents êtres humains ont écrit et participé, ont prévu des problèmes dans le temps, et ont engendré des solutions, ont expliqué à l'humanité ce qu'elle devrait faire. Que l'humanité le fasse ou pas, l'humanité est faite. L'avenir a déjà été décidé par ceux qui ont prévu ce remaniement planétaire. Parce que l'être humain est trop petit, il se dit, oui, mais dans combien de temps ça va commencer à paraître? Et si je dis dans 752 ans, l'humain dit, ah, mais ça vaut pas à peine qu'on le fasse. Parce que vos arrière-grands-parents ont pensé à vous et ont pensé à l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Parce qu'ils ont arraché les souches, parce qu'ils ont coupé les arbres et cultivé la terre du Canada, parce qu'ils ont fait tout cela et ils se sont brisés. Et ils en sont morts. Et c'était pas grave, ils laissaient de quoi à leurs enfants. Parce qu'ils ont osé faire cela, on est présentement ici, même l'hiver au chaud, à faire des conférences. À laver notre linge dans des laveuses et à prendre une douche d'eau chaude l'hiver lorsqu'on est un petit peu trop gelé. Parce qu'eux autres n'ont pas dit, quand m'être mort, que tout tombe, je m'en fous. On est là où nous sommes. Mais il se trouve que la majorité de ses arrière-grands-parents qui ont tant peiné et qui en sont morts sont présentement assis ici aujourd'hui. Dans le résultat karmique du prix qu'ils ont payé. Mais aujourd'hui, l'humain, parce qu'il approche d'un grand nœud cosmique, d'une fourche majeure, et qu'il n'a jamais été capable de prendre de décisions grandes, eh bien, il veut vivre sa vie immédiatement. L'avenir, je m'en fous! Inconsciemment, il sait qu'il laisse le choix de l'avenir à la masse animale de la planète, à ceux qui n'ont pas la conscience, à ceux qui ne comprennent pas. Et instantanément, inconsciemment, il sait que l'humanité se dirige dans un avenir absolument dégueulasse. Alors, sachant qu'il ne pourra pas profiter de ce qu'il a aujourd'hui dans un avenir détruit, il préfère vivre immédiatement et se brûler à la vie immédiatement pour au moins avoir ça dans ses mémoires lorsqu'il rentrera dans un monde où la matière va tomber. Certains humains doivent se lever. Certains êtres humains doivent naître. Et une décision devra être arrêtée. Une décision là où l'être humain veut aller. Là où nulle part. Préserver sa vie, c'est la perdre. Se servir de la vie, c'est vivre. Passer son temps à avoir peur de faire une chose, à ramasser de la sécurité pour l'avenir, à ne jamais être certain de ce que l'on fait, à toujours douter. Non seulement ça prend énormément d'énergie parce que vous entretenez des futurs possibles auxquels vous ne croyez même pas, et vous entretenez aussi les futurs possibles auxquels vous croyez. Dans cette indécision majeure où l'humain n'arrive jamais à trancher, vous brûlez. Pourquoi l'évolution est si pénible? Simple. Parce que dans certains avenirs possibles, vous n'êtes pas évolué. Dans d'autres futurs possibles, vous êtes conscientisé. Dans d'autres futurs possibles, vous êtes comme vous êtes présentement. Et à travers toutes ces nuances, quel est le chemin d'évolution le mieux pour vous? Toutes. Vous devez être colérique dans un futur possible, vous l'êtes. Vous devez être patient. Dans un futur possible, vous l'êtes. Et vous entretenez tous ces futurs possibles-là chez vous, juste au cas. Et l'entretien de tous ces futurs possibles-là ne peut pas aligner votre conscientisation. On ne peut pas commencer à faire un travail réel tant que l'humain n'a pas décidé dans quel avenir il voulait aller. Exactement comme celui qui veut jouer au baseball, au hockey, au tennis, au badminton puis au ping-pong, mais ce n'est pas encore lequel. Quel entraînement intensif il fait? Et là, un peu de tennis, un peu de ping-pong, un peu de hockey, un peu de badminton, il ne peut pas être bon dans rien. Il ne sait jamais quoi prendre. Il aime le ping-pong, mais à un moment donné, il aime le tennis, puis là, il ne sait plus, puis là, il manque une pratique de badminton, puis là, il revient. Puis l'instructeur qui veut donner un cours, il est mal pris, parce qu'il dit, c'est du ping-pong que tu fais. Si ce n'est pas du ping-pong que tu fais, moi, je donne des cours de ping-pong. Alors, tu viens ici comme il le faut. Où tu ne reviens plus pantoute. Et lentement, les instructeurs s'écartent et balayent les gens. Ils disent aux gens, moi, je suis un professeur de tennis. Si tu veux jouer au hockey, au tennis, au ping-pong, au badminton, au tir à l'arc, à ceci et à cela, puis tu ne sais jamais dans quoi te brancher, je ne ferai jamais un athlète olympique de toi. Va-t'en, tu n'es pas prêt. Alors l'humain, insulté de se faire dire qu'il n'est pas prêt par un autre humain, apparemment, il rentre chez lui sous ses couvertes et il commence à maudire les autres. Quel avenir! Voulez-vous avoir? Non, pas quel avenir allez-vous avoir? Voulez-vous avoir, je dis. Quel avenir on va vivre? Si aucune décision est prise par un consensus d'humain, l'avenir que l'on va vivre ou l'avenir que vous allez vivre est celle qui vous fait le plus peur. L'humain met beaucoup plus de temps à penser à l'avenir qui lui fait peur qu'à l'avenir qu'il désire. L'humain est bien plus capable de dire « Voyons donc, c'est bien trop beau, ça se peut pas » que de dire « Ben voyons donc, c'est bien trop laid, ça se peut pas. » Ce qui est laid, ça se peut. Ce qui est beau, voyons donc. les forces qui nous amènent. La création, elle a été réglée en un millionième des millionièmes de seconde. Elle a été, et ce temps est un temps vu de l'espace-temps, pas de l'électro-créationnalité. La terminaison est accomplie, c'est achevé. De multiples chemins dans l'espace-temps nous permettent de rallier cette fin, cette finalité. Le chemin que nous voulons prendre n'a aucune importance, mais chacun des chemins tient à être vivant. L'humain résorbe dans son évolution la mémoire. Il résorbe le temps. Au début, des multiples, des milliards de futurs possibles menaient à Rome. Tous les chemins y mènent à la finalité. L'être humain a pris un choix et il a détruit un paquet de futurs possibles. C'est de cette façon qu'il digère l'espace-temps. Chaque fois qu'il arrive à une fourche, sa décision inconsciente attirée par l'avenir, par le chemin qu'il veut vivre, balaye les autres. Alors ça crée des guerres dans ce cosmos, ça crée des guerres absolument effarantes qui sont répercutées dans la conscience décisionnelle de l'homme. Plus l'être humain évolue dans le temps, plus ça devient facile pour lui de prendre des choix au niveau de sa conscience. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, des milliards de futurs possibles sur une fourche s'étaient alliés pour obliger l'humain à passer par là plutôt que par là-bas. L'homme était absolument pogné. Mais parce que l'homme décide de prendre celle-là, manipulé, la moitié des futurs possibles viennent de tomber. Alors l'homme est deux fois plus puissant. Il arrive à un autre nœud cosmique et là, on est ici plusieurs faisceaux qui se battent dans l'homme. Le bien et le mal. Et l'homme prend un choix. Il balaye immédiatement ses futurs possibles. L'homme devient maintenant quatre fois plus puissant qu'il l'était. Lorsque l'être humain arrive à un autre nœud, il est plus puissant, mais sa conscience est encore faible. Et à un moment donné, il tombe dans un futur. Le Nazaréen est venu pour obliger l'humain à prendre un futur possible qui était plus ajusté. L'humain prend ce côté et il balaye encore un paquet d'avenirs possibles. L'humain est rendu maintenant 16 fois plus puissant. Plus l'évolution se fait, plus l'humain est puissant, exponentiellement. Et nous sommes 16 fois plus puissants qu'au début de la création. La prochaine trame majeure, elle s'en vient. Lorsqu'on aura choisi, on sera des centaines de fois plus puissants. Mais de quel côté allons-nous être? Parce que lorsqu'on sera des centaines de fois plus puissants, si en avant de l'humanité, il ne reste que des avenirs possibles où il y a la guerre, les conquêtes, la famine, la destruction. On sera 100 fois plus puissant, mais on ne pourra pas créer un avenir de paix. Nous les aurons tous balayés. Nous les aurons détruits. Alors, nous devrons être puissants dans des régimes militaires, dans des régimes où même la planète Terre voudra conquérir les autres mondes, dans un régime où il y aura une monarchie, mais pas la monarchie que l'on veut, une monarchie militaire. Une monarchie où on va vous former. Oh, il y aura de l'évolution technologique. Oh, il y aura de l'évolution au niveau de l'alimentation. Il y aura plein d'évolutions. Mais la conscience sera collective. Elle sera interdite du point de vue de l'individu. Ces mondes l'interdisent. On sera plus puissant. Mais ceux qui nous manipuleront seront aussi plus puissants. Alors, ce sera la même chose dans un monde plus puissant. Alors, au lieu d'asservir l'homme, nous asservirons les autres mondes. Et on arrivera quand même à la terminaison, à la finalité. C'est con. Si l'humanité prend l'autre fourche, celle de gauche, alors nous serons des centaines de fois plus puissants. Mais là, nous aurons une conscience individuelle, parce que dans cet avenir possible, elle est permise. Alors nous ne servirons pas les autres mondes. Et etc., etc. L'homme préfère s'enligner vers un avenir qu'il refuse parce qu'il croit plus à l'avenir qu'il refuse parce que cet avenir a hautement trahi l'homme en créant derrière lui un passé où de toute façon cela a toujours été. Dans ce maudit passé qui est une illusion, chaque construction de l'homme s'effrite et tombe. Chaque société de l'homme se bat contre les autres. Il n'y a que la guerre, la famine, les tremblements de terre, les misères. Il n'y a que de la matière qui tue l'homme, des automobiles pour engendrer la mort, des missiles pour détruire. Il n'y a que destruction dans la création. L'être humain, dans le passé, aime bâtir pour pouvoir détruire. N'étant pas capable, dans ce passé créé de main propre par l'avenir, n'étant pas capable de détruire suffisamment, alors il bâtit pour détruire plus. Et on se fie à ce passé. Alors lentement, l'avenir essaie d'engendrer, l'avenir blanc essaie d'engendrer des passés blancs. Des passés blancs qui nous parlent d'un Nazaréen. Des passés blancs qui nous parlent d'une science extraordinaire sur un continent qui s'appelait Atlantide, sur une île qui s'appelait Poséidonis. Alors cet avenir essaie de dresser dans le passé des réussites humaines. Mais le problème, c'est que les forces noires de l'avenir ont plus de puissance. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elles ont à dire à l'homme, c'est que si ces passés blancs ont existé, pourquoi sont-ils détruits? Alors, dans l'Atlantide très évoluée, une guerre est apparue. Eh bien, voilà la guerre. Ce qui fait que le passé de guerre est plus encourageant à croire. Et notre extrapolation inconsciente nous amène donc vers un avenir de guerre. Le passé où on manque notre coup étant plus facile à croire, cela nous amène vers un avenir où on manquera notre coup. C'est un piège. Nous ne sommes pas encore à la fourche. Mais maudit qu'on est prêt. Surtout à la vitesse que l'humain évolue, mais on est prêt en sacrable. Parce que l'humain n'évolue pas à coups de secondes, il évolue à coups de dizaines d'années. Alors on est très prêt. La majorité de l'humain de cette planète acceptera de suivre ce que les plus intelligents vont dire. Mais sachez une chose, si les intelligents ne disent rien, ce sera eux autres qui décideront. Et leur choix sera nécessairement un choix traditionnel. Et ils nous amèneront vers un avenir noir. L'humain veut conserver l'espoir et il peut dire, oui, mais dans cet avenir noir-là, il y a quand même d'autres possibilités, à un moment donné, qu'on pourra choisir pour aller vivre en paix. Sachez que la plus grande partie de la paix dans l'avenir sera détruite totalement si on prend le mauvais côté. Il y a une fourche dans cet arbre cosmique qui nous amène vers la paix. Il y aura encore des problèmes, mais il est blanc. Et l'arbre part là. L'autre côté, c'est noir. Il y aura des petites amuse-gueules, mais c'est noir. Et on arrive dans le tronc là où l'arbre se sépare en deux. Si on prend le côté noir, le reste n'a jamais existé. Si on prend le côté blanc, le noir n'a jamais existé. Et nous sommes à une fourche majeure dans l'évolution de cette planète, parce que lorsque l'humanité aura décidé de prendre le blanc, tout ce qui est satanique, luciférien, toutes les forces du mal disparaîtront instantanément, elles n'auront jamais existé. Cet avenir du mal, nous l'aurons balayé du revers de la main. Et il ne pourra plus jamais, par ses tentacules, venir à nous attirer vers lui. Cette partie du cosmos, nous l'aurons digérée. Elle n'existera plus. Elle n'aura jamais existé. Présentement, nous sommes attirés par les deux côtés. Étant attirés par les deux côtés, nous ne savons pas quel côté prendre. Il y a le côté sécuritaire du point de vue de l'anti-homme et le côté facile. Je travaille pour moi. Je me fous des autres. L'avenir sera déterminé par l'humain, pas par un, mais par l'humanité. Alors, il doit y avoir une propagande, il doit y avoir une collectivité de travail suffisamment grande, suffisamment puissante, pour que la planète Terre change d'optique. Et il ne faut pas que vous vous fiez à la farce de votre passé, pour vous dire, oui, mais qui je suis, moi, pour changer le monde? Je suis né à Saint-Henri. Votre passé est une farce. Votre conscience n'a pas de passé. Et votre conscience ne doit pas se fier à la mémoire du passé créée de toutes pièces par l'avenir qui vous appelle. Je suis né pour un petit pain, tel père, tel fils. C'est ça l'avenir. Il détermine le passé. Et le passé détermine où vous allez aller. Toutes les prophéties du passé expliquent l'avenir. Elles forcent l'humain à aller vers cet avenir. C'est l'avenir qui manipule l'homme. C'est l'avenir qui engendre le passé pour pousser l'homme vers l'avenir. Et la plus grande, mais l'une des plus faciles à éliminer, c'est la manipulation de l'avenir. C'est la solution. Nous n'avons pas de libre-arbitre, nous ne pouvons pas créer l'avenir que nous voulons. Mais une chance, elle est déjà créée. Nous avons une liberté de conscience. Et cette conscience doit maintenant choisir. Il n'est pas question de date, il est question de vibration, d'instantanéité. Lorsque vous aurez choisi, vous aurez choisi. Ça va se faire en 1/10 millionième de seconde. Mais avant que ça se fasse, ça peut prendre encore 10 ans. Et quand ça va se faire, ça va se faire. Le problème, c'est que beaucoup auront choisi trop tard. Beaucoup décideront et ne pourront pas. Ils auront encore une fois la preuve expérientielle qu'ils sont des bébites. Il doit y avoir un remaniement planétaire, un projet, une projection solutionnaire pour les années à venir, pour les 500 prochaines années. Il doit y avoir une projection, il doit y avoir un atterrissement de cet avenir possible pour que l'astral soit au courant, pour que l'humain le sache, que l'humain l'applique ou non. Si c'est suffisamment communiqué, l'humain l'appliquera. Parce que l'homme, la femme, l'enfant sont investis de conscience, d'intelligence. Et si on met ces petits facteurs à travers l'humanité, ce sera comme une bombe à retardement. Elle pourra croître. Et si on n'arrive pas à faire changer l'humanité d'objectif d'ici les 10 prochaines années, on aura au moins réussi à retarder l'avance de l'humanité suffisamment pour que le nœud s'éloigne. Et le nœud sera rencontré par l'humanité, non pas dans les 10 prochaines années, mais dans les 50, 60 ou 100 prochaines années. Alors, de cette façon, l'humanité aura le temps de digérer suffisamment l'intelligence qui aura été implantée chez elle et elle prendra le bon chemin. Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins du point de vue de l'homme ne sont pas aussi jolis. Le cosmos s'en fout. Mais nous sommes dans cet espace-temps et nous ne nous en foutons pas. Naître avec un œil, pas de bras et un pied, le cosmos s'en fout. Mais l'homme, la conscience humaine, ne s'en fout pas. Elle peut aussi bien faire le chemin complet comme elle peut le faire dans une Lada. Autant bien choisir. Moi, mon choix est fait depuis tellement longtemps que je vis déjà là. Mais j'ai besoin de l'humanité pour continuer à vivre là. Et vous vivez déjà là, mais vous, vous vivez aussi ailleurs que là. Alors vous vous en foutez un peu. Mais votre conscience sait des choses. Quand je dis retarder l'avancement de l'humanité, je ne veux pas dire retarder son évolution. L'évolution, c'est la conscientisation. L'avancement spatio-temporel, c'est l'évolution de l'humanité vers les embranchements cosmiques qui déterminent son avenir. Le nœud, il est dans 10 ans. Parce que l'humain, dans 10 ans, sera sans doute prêt à décider le mauvais côté. Parce que l'humain, présentement, est presque prêt à décider le mauvais côté. Si on arrive à implanter suffisamment d'instructions à l'échelle de la conscience planétaire pour que l'humain hésite plus longtemps, Le nœud est retiré et repoussé. Alors, c'est dans 15 ans, c'est dans 20 ans, c'est dans 30 ans. Et là, l'humain prendra le bon chemin. Certaines prophéties ont été amenées pour que l'humain prenne le bon chemin. Presque toutes les prophéties ont été amenées pour que l'humain prenne le mauvais chemin. Pour la simple raison, je le répète, c'est beaucoup plus facile à l'avenir noir de prouver son existentialité en engendrant des échecs dans la conscience de l'homme au niveau de sa mémoire que pour la mémoire, que pour l'avenir du bien ou l'avenir blanc. Nous pouvons prouver que nous avons manqué notre coup souvent, que tant de solutions ont été manquées. Et c'est faux. De l'époque de l'homme des cavernes à l'époque des navettes spatiales, où est notre si grand échec? Nous creusons la Terre, nous en sortons de la Terre et nous en faisons des navettes spatiales. Où est notre grand échec? Nous fabriquons des allumettes comme nous voulons, des briquets. Nous fabriquons des automobiles de plus en plus convenables. Nous avons des autoroutes partout sur la planète, des satellites. Tout n'est pas parfait. Mais à l'époque où vous mangez encore du smilodon, de l'ours des cavernes, allez jusqu'à maintenant, où il est le si grand échec? C'est pas pire. On vit plus dans des igloos ou dans des tipis. C'est pas si mal. Mais l'avenir engendre dans le passé l'idée qu'il n'y a eu que des échecs. Que des échecs. On a premièrement été déchus. On a bouffé une pomme. On a perdu le paradis terrestre. Et on a fait connerie sur connerie, apparemment. C'est ce que l'histoire nous enseigne. Et chaque fois, moi, je peux prouver qu'il y a de l'intelligence là-dessus. C'est une réussite. Sans compter toutes les trames historiques, colorées par l'avenir, ou carrément inventées par l'avenir, de façon à continuer à nous convaincre que l'être humain est une race d'imbéciles qui ne fait que des échecs. Cela engendre la peur chez lui de se risquer à rebâtir quelque chose que sa conscience vibre. On vibre un futur blanc et on a intensément peur de l'essayer parce qu'on ne veut pas encore souffrir l'échec qu'apparemment notre mémoire nous instruit. L'avenir est le problème. On fait une pause et dans l'avenir, on revient.